On était tous déçus, moi le premier, de l'élection de Valérie Plante. Pas parce que Valérie Plante avait gagné, c'est parce que on sait que Denis Coderre était probablement le premier porteur de ballon du retour du baseball à Montréal. Et évidemment, Valérie Plante a gagné, a commencé à monter dans les sondages quand elle a commencé à évoquer un référendum pour la construction d'un nouveau stade. Quoi qu'il en soit, il a travaillé sur le dossier depuis 3 jours à la presse canadienne. Il est bien branché également sur le retour du baseball à Montréal. C'est notre ami Frédéric Degg. Salut Frédéric. Bonjour Danny. Fred, moi j'ai lundi quand j'ai parlé avec Marc Griffin, j'ai fait jouer le circuit de Rick Monday. Ça, je comparais ça à cette journée-là. Est-ce que j'ai exagéré à la lumière de ce que tu as travaillé de ce dossier-là au cours des 3 derniers jours? Un peu, parce que je ne pense pas que ça coule le projet de baseball comme Monday avait coulé les Expos en 81. Okay. Moi, je pense que le projet va devoir être revu, pas dans le sens que va falloir repenser oui ou non au baseball. Moi, je pense que la façon que le projet est mené, ça va devoir être ajusté. Est-ce qu'on va devoir... Peut-être qu'on devra avoir un peu plus de transparence à l'avenir, mais vous savez quoi? Moi, on peut être d'accord ou pas avec la façon dont Denis Coderre a mené ce dossier-là, mais une chose est sûre, et il a encore raison, le financement du stade, ça n'aurait pas dû se retrouver au cœur de la campagne électorale parce que on n'est pas rendu là. Le baseball majeur est pas prêt à octroyer une équipe à Montréal pour tout de suite. Et on n'est pas rendu à financer un stade. Maintenant, qu'on dise on va solliciter ou consulter des citoyens dans une éventualité, OK, mais c'est parce que c'est devenu l'enjeu central de la campagne. Et c'est là que... Pascal, Fred, c'est là... On n'est pas rendu là. Fred, c'est là qu'elle a commencé à monter les sondages. C'est là que rappelle-toi là de ça. Alors, ça veut dire que, comme c'est pas la première politicienne à faire ça, elle a fait de la démagogie populaire, elle s'est assurée de ramasser des votes sur un sujet qui était qui polarisait l'opinion publique. Et puis c'est ça, tu sais, la ligne rose, là, qui est son projet principal, là, c'est bien beau, là. Le prolongement de la ligne bleue à Montréal, là, peut-être que les gens en région ne le savent pas, là, ça fait 25 ans et plus qu'on en parle. Moi, j'étais au secondaire, j'ai 42 ans. Okay. Moi, j'étais au secondaire, puis on parlait du prolongement de la ligne bleue. La ligne bleue est toujours pas, il est toujours pas commencé, le prolongement. C'est dans les cartons, c'est un des prochains projets de transport public avec le REM, le train électrique. Ça a pris 25 ans. Une ligne rose à, je sais pas, là, 15, 20 stations comme elle projette, là. Premièrement, ça va prendre à peu près 15 ans à construire. C'est un projet qu'elle verra jamais, là. Elle sera plus au pouvoir depuis longtemps. S'il commençait aujourd'hui à creuser pour ce projet-là, elle, ça ferait des années qu'elle ne serait plus au pouvoir. Fait que, tu sais, faut se calmer, là. Et elle fait des projets pour dans 30 ans, là, dans 25 ans. Moi, là, je comprends pas, en tout cas. C'est ça. Moi, je reste à Repentigny en passant. J'ai pas voté pour cette élection-là. Ouais. Mais c'est certain qu'elle aurait pas eu mon vote, ceci dit. Mais pas à cause du baseball. Parce que je trouve que le reste de son programme ne faisait pas de sens. Mais là, les électeurs montréalais se sont prononcés. Il faut respecter leur choix, comme l'a dit Denis Coderre hier, il faut respecter leur choix. Ouais. Moi, elle aurait pas eu mon vote parce que pour d'autres différentes raisons, pas juste pour le baseball. Tu regardes ce que Coderre, ce que Montréal était il y a 5 ans. Il y a 5 ans, il y a eu un maire et qu'un an après, il a fait de la prison. Si Montréal terrorisé tout le monde en Amérique du Nord, puis Coderre a ramené ça sur le respect, au niveau de la respectabilité, là. Et c'est déjà très bon qu'il a fait ça en 4 ans. C'est tout un travail. Même s'il a fait une campagne de cul. Tous les partis politiques provinciaux ont été unanimes à saluer son bilan à la tête de la ville de Montréal au cours des 4 dernières années. Ça, il y a pas de doute, on peut pas le nier. Ouais. Et puis, en tout cas, je veux pas faire une entrevue politique. Ouais. Eux autres, là, ce matin, ça sort dans la presse là qu'il y aurait un manque à gagner de 358 millions dans le budget. Là. Eux autres, ils ont été élus dimanche, ils ont été sur le party jusqu'à lundi matin, ils sont allés visiter leur bureau lundi après-midi. Puis en 2 jours et demi, ils ont eu le temps de trouver une firme comptable, premièrement, comment ils ont octroyé ce contrat-là pour faire la vérification comptable des livres de la ville. Fait qu'ils ont eu le temps, en 2 jours et demi, de faire vérifier un budget de 5,2 milliards puis dire qu'il y a un trou de 360. Mm. Écoutez, là, c'est comme tous les autres partis qui rentrent au pouvoir ce matin, là. Mm. Ils jettent le blâme sur l'administration précédente pour dire, ben, il y a des promesses qu'on vous a faites qu'on pourra pas faire parce qu'on n'a pas l'argent qu'on pensait qu'on avait. Mm. Donc, c'est un vieux truc de politique. Et les gens de Projet Montréal ont décidé d'utiliser ce matin. Ouais. Fred, t'as pas parlé à Brofman, mais t'as parlé quand même à différents intervenants dans le dossier. Au départ, Mark Griffin m'a dit lundi, puis il avait raison, Marc, là. Si le projet ne tient que par un seul homme, à quelque part, le projet n'était pas sérieux. Exactement. Et c'est ce que Stephen Bronfman a dit à Jérémy Filosa du 98.5 dans un échange de courriel. Il a dit, on a un projet qui est bien plus que politique. Alors, c'est l'essentiel de son propos. Et moi, c'est ce que je disais depuis le début. Je pense qu'on s'en était parlé, d'ailleurs. Je me souviens pas si c'est en ondes ou à l'extérieur des ondes. Mais moi, je dis depuis le début, si ces gens d'affaires-là ont un projet de 1,5 à 2 milliards US pour Montréal et qu'il était lié intimement au résultat d'une élection municipale, ces gens-là ont pas d'affaires, là. Et je ne crois pas que ces gens-là soient des novices. Ils savent ce qu'ils font. Ce sont des gens d'affaires avisés dans plusieurs sphères économiques. Alors, c'est certain que ce projet-là ne reposait pas sur l'élection de Denis Coderre. Est-ce que ça aurait été plus, je dirais pas facile, mais est-ce que, disons, la machine était mieux huilée avec Denis Coderre en place? Oui. Maintenant, c'est là où je dis qu'ils vont devoir s'ajuster et peut-être changer leur façon de présenter les choses. Je ne sais pas. Il y a une autre chose, il y a un autre aspect aussi, là. Il va y avoir un transfert de pouvoir entre les deux administrations, là. Valérie Plante va être mise au courant. Valérie Plante et son administration, là, on s'entend quand je parle de Mme Plante, je parle de Projet Montréal, là, de l'équipe du pouvoir. Ils vont être mis au courant de tous les dossiers en cours, que ce soit sportif, culturel, la voirie, tu sais, name it, là. Tous les dossiers de la ville, ils vont avoir une mise à jour. Moi, je pense que dans plusieurs de ces dossiers-là, Mme Plante et son équipe vont avoir une illumination. Ils vont découvrir que ces dossiers-là soit sont rendus plus loin ou ne sont pas exactement comme ils le croyaient. Le meilleur exemple qu'on peut donner pour ça, c'est la formule électrique. Elle promet qu'elle va enlever ça, qu'elle va mettre ça au circuit Gilles Villeneuve. François Dumontier a dit à Louis Butcher cette semaine du Journal de Montréal, c'est impossible. La course de Formule 1, c'est le 10 juin. Le 11 juin, on commence les travaux sur le circuit Gilles Villeneuve pour les nouvelles estrades dans l'épingle de Sénat et les nouveaux paddocks. Le circuit n'est pas disponible. Deuxième des choses, François Dumontier, qui est promoteur de la Formule 1, a le premier droit de refus pour toute course présentée sur le circuit Gilles Villeneuve. Est-ce que vous pensez que de tasser Evenco, qui est le promoteur de la formule électrique, ça va se faire gratuitement? Ça, qu'Evenco va dire, ben oui, vous voulez mettre ça sur le circuit Gilles Villeneuve? Ben vas-y, mon François, fais-la. Ils se sont livrés une guerre pour avoir les droits de la formule électrique. Evenco ne laissera pas passer ça. Surtout qu'ils ont perdu de l'argent probablement avec la première édition puis qu'ils veulent se refaire avec la deuxième puis la troisième. C'est impensable. Et avec la Fédération internationale de l'automobile, le contrat est clair. Les courses du circuit, du calendrier de formule électrique doivent avoir lieu dans un circuit au centre-ville. Et il y a des pénalités rattachées, des pénalités de plusieurs millions rattachées au non-respect de cette clause-là. Est-ce que vous pensez que Projet Montréal va arriver à dire aux Montréalais, ben oui, on va transférer ça ailleurs, à Mont-Tremblant, parce que le circuit Gilles Villeneuve n'est pas pris, ça va coûter 20 millions de pénalités, 20 millions, je ne sais pas, j'avance un chiffre comme ça. Peu importe, 4, 5, 6, 20, 30 millions, je ne sais pas le montant, mais l'argent que la ville s'est déjà engagé, est-ce qu'on va en payer encore plus? Ça trouvait déjà que c'est trop cher. Est-ce qu'elle va assumer le coût d'une pénalité supplémentaire? T'as vraie vie. Moi, je pense que quand on va lui présenter, lui dire exactement ce qu'il y en est, parce que le projet de baseball est rendu plus loin que tout le monde au Québec le savon, là. On travaille, là, Jérémy et moi, entre autres, on travaille fort pour essayer de se mettre à jour à même place que les gens d'affaires, là. Mais le dossier est rendu plus loin que nous, on le sait. Et je pense que là, dans les prochains jours, prochaines semaines, Mme Plante et son équipe vont être mises au courant également. Ouais. Fred, par contre, ce qui m'inquiète un peu là-dessus, c'est que Régent Tremblay l'a bien expliqué un matin. Je sais pas si tu as lu l'article de Régent Tremblay dans le Journal de Montréal ce matin. Il mentionne que le projet les expos est mort-né. Et il mentionne que des déménagements de clubs Puis ça, il n'y a pas tort là-dessus. Souvent, quand tu as l'appel du commissaire, il faut que tu aies une réponse vite. Il faut que tu donnes une réponse vite. Puis c'est. Avec Denis Coderre, il n'y avait aucun doute là-dessus. C'était oui tout de suite. Mais par contre, Valérie Plante, c'est oui peut-être. C'est pas, il n'y a pas de oui peut-être. C'est pas ce qu'on pense qu'elle veut dire, là. Moi, je suis pas d'accord avec la lecture que Régent fait du dossier là-dessus. Je pense pas que ça soit mort-né. Ouais. C'est ce que tous les intervenants dans le dossier me disent depuis lundi matin, soit de façon officielle ou sous le couvert de l'anonymat. Ce dossier-là, c'était pas le dossier d'un seul homme. Au mois d'avril dernier, Steven Bronfman, je lui demandais la question de visu face à face. Si le baseball majeur vous appelle dans deux jours, dans deux semaines, dans deux mois, êtes-vous prêt? Lui, il m'a dit oui. Ça veut dire qu'il y avait des garanties quand même assez importantes des paliers de gouvernement. Mm. À un moment donné, si les deux autres paliers sont prêts à embarquer, Montréal n'aura pas le choix. Là. Mm. Si les deux autres paliers puis le privé ont ramassé 1,3 milliard sur les 1,5 nécessaires, pensez-vous que la ville de Montréal va faire dérailler ce projet-là pour 200 millions? Mm. Valérie Plante finira pas son mandat dans une telle éventualité. Mm. Alors, moi je pense que je ne pense pas que le projet est reculer tant que ça avec l'élection de Mme Plante. OK. Mais on avait raison de s'inquiéter dimanche soir. Je croyais dimanche, mais depuis lundi, les informations que j'ai amassées, les conversations que j'ai eues avec des gens du baseball majeur, des gens impliqués de très près dans le dossier ici à Montréal, me laissent croire que ça n'a pas pris un pas de recul suffisamment important pour faire dérailler le projet. OK. Fred, comment tu trouves l'idée de Jérémy Filosa qui l'a amené au 92.5? Moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Denis Coderre comme porteur de ballon du dossier du retour des expos. Parce que ça prend comme un intervenant qui communique avec les trois paliers de gouvernement, avec le baseball majeur, et ainsi de suite. Comment tu trouves ça? Moi j'adore. J'adore cette idée-là, je dois dire. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. D'ailleurs, j'ai fait quelques recherches en ce sens-là. Je peux te confirmer aujourd'hui de sources sûres qu'il n'a pas été pressenti pour ça. Ça veut pas dire qu'il ne sera pas, par exemple. On n'y a pas fait d'offre en ce sens. Ça veut pas dire que ça changera pas dans les prochaines semaines. T'as raison. Mais pour l'instant, ce n'est pas une possibilité qui a été abordée. Ah, okay. Mais ça veut pas dire que ça changera pas. Mais je vais dire une autre bonne idée que je pensais que c'était de celle-là qui était pour me parler aussi. Une autre bonne idée de Jérémy Filosa, je pense que c'est au columniste sur punchandgrace.com qui nous a dit ça cette semaine. Lui, il disait, si je pouvais parler au groupe d'hommes d'affaires, là, au Bronfman, au Garber, au Rossi, là, aux gens qui pilotent le dossier, je leur dirais, savez-vous quoi? Laissez-les faire le volet public. Faites comme Jeff Molson, la famille Molson a fait avec le Sandbell. Construisez ça avec des fonds privés, puis prenez tout le quartier autour, puis bâtissez des tours à condos. Vous allez leur faire là votre argent. Mm. Peut-être que c'est ça qui sera la solution. Peut-être que les terrains autour n'appartiennent pas au groupe de Bronfman, Garber et compagnie aussi. Ça c'est un détail que je ne connais pas. Mm. Mais, tu sais, c'est pas une mauvaise idée, là. Puis là, ben, en tout cas, après ça, les gens pourront pas chialer non plus. S'ils développent le quartier comme eux autres souhaitent le développer, c'est à eux autres. Ben, tu sais, au Centre Bell, là, imaginez-vous pas que ça va être plus facile de se rendre au Centre Bell n'importe quand ils construisent une énième tour à bureau, tour à condo autour. Mmh. Alors, c'est ça, à un moment donné, mais, moi, en tout cas, j'étais un peu découragé. On s'était parlé lundi matin, on était découragé. Puis finalement, vois-tu, là, après trois jours de téléphone et de courriel et de rencontres, je te dirais que mon niveau d'optimisme est redevenu égal à ce qu'il était il y a deux semaines. OK, bonne nouvelle. Hey Fred, en terminant, je sais que tu es aussi le Hall of Fame du baseball, le temple de la renommée du baseball, tu es ça beaucoup aussi. Mardi, on a été tout estomaqué d'apprendre la mort de Roy Halladay. Penses-tu qu'Halladay a les chiffres pour se rendre à Cooperstown? Il va y en manquer un peu, là, hein? Il a pris, je me souviens plus exactement, c'est en 2013, hein, je crois qu'il a pris. C'est pas 2015? C'est possible. Si c'est 2015, ça veut dire qu'il va faire son entrée sur les bulletins de vote. Là, son nom va être ajouté au bulletin de vote à compter de l'élection de 2020. Mais peu importe, là, ça va être dans les prochaines années. Au-dessus de 200 victoires, là, j'ai pas le chiffre exact en tête, contre 110 défaites, un match parfait, un match sans point ni coup sûr en série de division contre les Reds de Cincinnati. Je pense que, tu sais, des lanceurs de 300 victoires, là, on n'en verra plus au football majeur. Ça va prendre de nombreuses années avant qu'on en voit. Je pense que entre son arrivée dans au moment où c'est établi dans le baseball majeur, je pense autour de 2005, là, parce qu'il est rentré en 2003, mais il a été, il a eu une démotion, il est retourné au niveau A, se refaire une confiance, une technique, quoi, avant de revenir dans les majeurs, là. Mais une fois qu'il est revenu, là, il y a eu une période de 10 ans, là, où c'était, un des meilleurs lanceurs du baseball majeur. Alors, je pense que maintenant, les électeurs, c'est le principal critère. C'est la domination dans son époque. On a arrêté de comparer les lanceurs avec Cy Young puis les vieux lanceurs des années 20, 30, 40 là, qui revenaient lancer aux 4 jours puis qui lançaient 8, 9 manches, peu importe ce qui se passait. Là. On compare maintenant par rapport à son époque. Ouais. Et je pense que si c'est le principal critère, écoute, c'est un gars qui lançait 260 manches par année. Il y a 5 saisons, si je me trompe pas, là, il y a 5 saisons de 200 manches et moins de 40 buts sur balle. Je pense qu'il y a juste 3 lanceurs dans l'histoire du baseball. Le plus proche avait 3 saisons, si je me trompe pas. C'est une statistique que j'ai entendu hier, là. Je m'excuse, là, si je suis décousu un peu. J'ai pas les chiffres devant moi, mais en tout cas, je pense que dans son époque, Roy Halladay, ça a été, tu avais un match numéro 7 à lancer là, dans ces années-là, tu tournais soit vers Pedro, soit vers Doc Halladay. Et moi, je pense qu'il mérite son accession au Temple de la Venom. Et ça compte pas, mais tout le gentleman. Roy Halladay, je parlais qu'avec Segosino qui l'a fréquenté, c'est un gentleman, ce gars-là. Là. T'sais, c'est sûr que ça compte pas. Ça compte-tu quelqu'un arrive le temps? Ben, ça peut compter. Non. Eddie Murray, ça a pris du temps avant de rentrer à Cooperstown, puis c'est pas pour rien. Ça compte un peu. Je te dirais que ça compte davantage quand c'est le contraire. Quand t'es un gars avec qui ça a été difficile de négocier tout au long de sa carrière, un gars qui boudait les médias, lui, il y a plus de ressentiment. Quand les gars sont gentils, ils gagnent pas nécessairement plus de votes. Mais oui, sûrement que le facteur sympathie, des fois, si t'hésites entre deux noms, puis t'as toujours eu une bonne relation avec Roy Halladay, mais pas avec un autre qui va se retrouver sur le bulletin de vote en même temps, c'est sûr que ça peut avoir un... Là, ce qui va déranger, par contre, c'est toute l'histoire des post-stéroïdes, là. Tu sais, à un moment donné, ils vont faire leur apparition, là. Tu sais, puis ça risque de changer la donne aussi. Bon, mais là, on commence à en avoir de moins en moins, là, des joueurs de l'époque des stéroïdes, là, parce que là, sur le prochain bulletin, c'est les gars qui ont pris leur retraite en 2012. Ça commence à s'écrémer de par lui-même, ce phénomène-là. Oui, mais t'as des gars quand même... Qu'on va en avoir de moins en moins. Oui, mais Fred, t'as des gars quand même qui ont raté leur éligibilité de 5e, 6e fois, qui vont être là. Tu sais, Tim Raines, il est rentré à dernière tentative. Là. Tu vas en avoir, là, tu vois. Oui, mais regarde, est-ce que Barry Bonds et Roger Clemens vont rentrer l'année prochaine? Là? Eux autres aussi, là, le temps passe. Là, mais ça risque de jouer contre... Le bulletin. Ouais. Peut-être pas du premier tour. Non, je pense pas. Moi, je pense... Ben, ça veut pas dire que c'est un... Je pense pas que c'est un... L'expression anglophone, là, que c'est un first ballot Hall of Famer, là, que c'est un gars qui va être élu la première année. Alors, non. Je pense qu'il a sa place. Moi, je pense que ça va peut-être y prendre, je sais pas, 3, 4, peut-être 10 ans, mais je pense pas 10. Mais peut-être 3-4 ans avant d'entrer, mais je pense que moi, on va déjà voir un fort pourcentage d'électeurs qui vont cocher son nom sur leur bulletin là, dès sa première année. Moi, je pense qu'il va, dès l'an 1, s'il rentre pas, son nom va apparaître sur plus de 50% des bulletins. OK. Fait que Fred, très intéressant encore une fois, plaisir de se reparler. Puis on écoute Patching Gray. Je l'ai pas écouté encore une fois sur le Facebook du site internet Facebook with the Patching Gray. Très, très intéressant. Vous avez probablement des gars que Jérémy Filosa, Fred, mon chum Fred, Tony Marinaro et Jonathan Guy. On l'écoute. Ça sort tous les lundis soirs sur Facebook. Vous avez juste tapé Patching Gray, vous allez le trouver. Fred, on se reparle bientôt. OK, super, Danny. Le collaborateur Frédéric.